19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'archéologie est fille de la nation, mais aussi bonne fille. Dans une période de régression identitaire, à l'image des Mésopotamiens ou des Polynésiens, les Français, l'avenir dans le dos, font désormais face au passé, leur passé. Cro-Magnon, Gallo-Romain, Franc, Clovis ou Jeanne, le débat se focalise aujourd'hui sur le Gaulois, les origines gauloises de la nation, en un mot, nos ancêtres les Gaulois. Dans le cadre de notre roman national, de cette recherche de parenté historique, depuis 150 ans, l'archéologie fait figure de très bonne fille. Toutefois, et parce que l'historien ou l'archéologue a une responsabilité, parce qu'il possède le discours savant, Jean-Louis Bruno, bonjour. Bonjour. Proto-historien, directeur de recherche au CNRS, vous avez consacré l'ensemble de votre recherche à ces sociétés anciennes, les Celtes, les Gaulois, qui ressurgissent aujourd'hui. Le Gaulois en 30 minutes, tel est le pari de Carbone 14. Jean-Louis Bruno, archéologie et idéologie ont fait et feront encore bon ménage ? Ah, assurément. De toute façon, l'archéologie, donc, qui est fille de, pour reprendre votre expression, des antiquaires du XVIIe, XVIIIe siècle, est née dans l'idéologie. Elle ne l'a jamais vraiment quittée. Et je ne pense pas qu'elle échappera à cette pesanteur. Alors, ce n'est pas une spécificité française, en tout cas. Disons-le tout de suite. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, partout, on voit que la connaissance de l'histoire est toujours mise à profit par les politiques ou par les idéologues de façon plus générale. Et quel que soit le pays. Quel que soit le pays, on l'a vu à certaines périodes un petit peu, enfin maintenant anciennes, de l'ordre du demi-siècle avec les Allemands ou les Italiens, on l'a vu plus récemment avec les Grecs, les Macédoniens, donc chaque fois il y a une volonté de récupération du passé et d'utilisation du passé. Moi j'ai souvenir en Irak dans les années 80, en passant le Tigre à Bagdad, d'un grand panneau où il était écrit « Irak, mère patrie de toutes les nations ». C'est faux, c'est vrai, c'est faux, mais c'est toujours ambigu. Oui, c'est toujours le même problème. Hein. Qu'est-ce qu'un Gaulois, tout d'abord, et d'après les sources antiques, le Gaulois, le Celte, c'est l'autre ? Oui, enfin pour les sources antiques, c'est-à-dire pour les Grecs et puis les Romains, effectivement, c'est l'autre, puisque pour les Grecs, les Gaulois, mais au même titre que les Romains, dans une certaine période, sont des barbares. Donc ça, c'est une évidence. Et ensuite, les Romains qui rencontrent les Gaulois leur donnent d'ailleurs un nom qui est certainement une forme de sobriquet, puisque le nom de Gallie, qui est probablement assimilé au Gallus, le coq, est une déformation de leur propre nom qui était Galatae. Donc déjà, les Galates, les fameux Galates. Les Galates et les Gaulois, c'est la même chose, effectivement. Peut-on faire une différence entre Gaulois et Celtes ? On aurait affaire à deux dénominations, l'une romaine, l'autre grecque ? Oh, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut tout simplement revenir, pour faire simple, parce que sinon on pourrait passer l'émission sur ce problème assez épineux. Il faut revenir à tout simplement ce que dit César dans les premières lignes de son ouvrage « La guerre des Gaules », où il nous dit que la Gaule est divisée en trois parties, dont l'une, la partie centrale et méridionale, est occupée par les Celtes. Alors que les deux autres, au nord, ce sont les Belgas et au sud-ouest, ce sont les Aquitanies. Donc, en principe, historiquement, et on pourrait en parler longuement, les Celtes sont une partie de la Gaule. Ce sont des peuples qui ont les premiers connu les Grecs, qui ont travaillé avec les Grecs. C'est ça, les Celtes. Donc, on ne peut pas faire une assimilation entre Celtes et Gaulois. C'est un petit peu restrictif. Mais aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Les Gaulois feraient partie du monde celte. Oui, c'est encore une fois, c'est une version un petit peu idéologique qui nous a été imposée pratiquement pendant 30 ans, qui maintenant est sujette à caution. J'ai écrit un ouvrage sur le sujet récemment, il y a 2 ans, donc « Les Celtes, histoire d'un mythe ». Mais je ne suis pas du tout novateur dans ce domaine, puisque les Anglais eux-mêmes, pourtant très attachés aux Celtes, les historiens anglais ont commencé ce travail déjà depuis une vingtaine d'années et critiquent cette notion d'appartenance celtique de leur population anglaise. Est-ce qu'on peut voir quand même une unité globale à ce monde celtique, de la Bohème et des Boyens jusqu'aux Osismes, ceux du bout du monde, ceux qui appartiennent au Finistère? Oui, alors ça, c'est ce qu'effectivement on nous a fait croire dans les années 1980-2000, en s'attachant, et là les archéologues effectivement sont très coupables sur cette question, en s'attachant à ce qu'on appelle la culture matérielle, c'est-à-dire les armes, les outils, certaines expressions artistiques, d'ailleurs très, très limitées, qui ont fait dire qu'il y avait une culture matérielle commune qui en fait est très, très limitée, parce qu'elle ne s'étend pas notamment la céramique. Donc elle ne s'étend qu'à des objets de qualité qui d'ailleurs pour une grande part ont été exportés par les Gaulois. Donc tout ça ne forme pas une unité culturelle. Et par exemple, si vous avez cité les druides, n'existent qu'en Gaule et dans le sud de l'Angleterre. Ils n'existent nulle part ailleurs, enfin ils ne sont reconnus nulle part ailleurs. Le Gaulois habite la Gaule, mais la Gaule existe-t-elle réellement ? Alors, bon, déjà, je crois que pour l'auditeur qui n'a pas forcément des grandes connaissances historiques de cette antiquité, il faut absolument lui indiquer que la Gaule n'est pas la France. Donc si on ne dit pas ça, là, on se trompe complètement. La Gaule, c'est un territoire qui est beaucoup plus grand que la France, puisqu'il comprend aussi la Belgique, le Luxembourg, une partie des Pays-Bas, la rive gauche de l'Allemagne, le plateau suisse, et pendant presque 3 siècles, tout le nord de l'Italie. Donc vous voyez, la Gaule, c'est beaucoup plus grand. Donc l'assimilation qui remonte à la Troisième République, hein, où on a voulu faire croire que la Gaule était l'ancêtre de la France, c'est vraiment quelque chose d'erroné. Et cette Gaule, elle existe ? Alors cette Gaule existe effectivement, ça on peut en parler un petit peu dans le détail. C'est une réalité qui est surtout une réalité géographique, politique. La Gaule est un espace de vie, est un espace politique. Donc à l'intérieur se trouvent des habitants, déjà César le disait dans le passage auquel j'ai fait allusion, qu'il y avait trois grands groupes, ces Celtes, ces Belges, ces Aquitains, qui diffèrent par leurs mœurs, qui diffèrent par leur langue, qui diffèrent par leurs origines. Et maintenant, nos archéologues, notamment du sud de la France, ont bien montré que sur toute la côte méditerranéenne, au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, on avait déjà une population très mêlée. Donc les habitants sont eux-mêmes très divers. Mais très tôt, probablement dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, début du 4e siècle avant Jésus-Christ, se dessine un espace probablement idéologique, probablement diffusé auprès de la population par les druides, qui est un espace géographique qui s'arrête à des grandes limites géographiques que l'on connaît. Là aussi, elles sont données par César, mais qui les reprend d'un auteur plus ancien, qui est Posidonios d'Apamée. Ces limites, on les connaît, hein. Ce sont le Rhin, les Alpes, les Pyrénées et les mers. Et c'est ça la Gaule. Donc c'est vraiment un espace idéal, en quelque sorte. Posidonios, rappelons-le, le premier anthropologue de la Gaule. Premier ethnologue de la Gaule, peut-être même du monde européen, puisque c'est un philosophe grec, un néo-stoïcien, très célèbre d'ailleurs parmi les philosophes, hein, et qui était aussi un grand savant et qui, pour nous, a le mérite d'avoir visité la Gaule dans les années 100 avant Jésus-Christ et d'être pratiquement le premier grec à vraiment avoir voyagé dans ce pays avec un regard qui n'était pas celui des commerçants. Être gaulois, cela peut-il être réellement une identité ? Peut-on parler de peuple gaulois ? Alors, il y a deux questions dans votre question. Identité, certainement pas. Parce que, justement, les Gaulois eux-mêmes, dans l'époque de l'indépendance, se revendiquaient de leur appartenance à un peuple précis. Donc, un petit peu comme sous l'Ancien Régime, on se revendiquait d'être bourguignon, par exemple, et français. Et quelquefois, l'appartenance provinciale passait avant l'appartenance nationale. Et c'était probablement ce qui se passait chez les Gaulois, donc qui se revendiquaient de leur peuple. Mais ils avaient ce sentiment d'appartenance à cet espace géographique de la Gaule qui, dans certaines circonstances, a fait qu'ils se considéraient gaulois, notamment face aux Romains ou même face aux Grecs. Mais sinon, ils se considéraient avant tout comme des Éduins, des Parisiens, etc. Donc il y a quand même cette notion d'appartenance, non pas un peuple, mais déjà une sorte de cité, une forme de cité au sens grec du terme. Donc il existerait une sorte d'unité culturelle. Alors en Gaule, il y a une unité culturelle au plus haut sens du terme, qui est une unité qui a en grande partie été construite par les druides, donc qui est une identité religieuse et très rapidement judiciaire, puisque l'une des institutions qu'on peut appeler nationale, qu'on peut qualifier de nationale, est précisément celle de la justice. Et très tôt, là encore une fois, aux environs du IVe siècle, ces institutions ont débouché sur des institutions politiques qui existent au niveau national, que l'on peut voir à l'œuvre, dans l'œuvre de César, justement. Donc il parle de principa, de principatus, c'est-à-dire du patronat. Les peuples dont on parle, la soixantaine de peuples que lui-même évoque, désignaient chaque année un peuple patron. Donc ça, c'est quelque chose qui se trouve au-dessus des peuples. Et ce peuple patron était élu dans une assemblée qui était une assemblée de toute la Gaule, qui elle-même remonte, encore une fois, à 3 ou 4 siècles avant la guerre des Gaules. Donc il y a vraiment cette unité politique, judiciaire et aussi religieuse, puisque les druides eux-mêmes avaient un chef, qui était un chef au niveau de toute la Gaule. C'est la fameuse réunion des Carnutes. Voilà, c'est la fameuse réunion des Carnutes, qui en plus a un rôle très important, parce que Posidonios d'Apamée, qui donne les informations à César en quelque sorte, indique que les druides avaient défini ce lieu comme le centre géométrique de la Gaule. Ce qui est parfaitement vrai par rapport aux limites qu'on a indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire que le lieu d'assemblée qui se trouve aux environs d'Orléans, se trouve effectivement à équidistance, 800 km environ, de la pointe de l'Armorique, de la bouche du Rhin, ou de l'extrémité du plateau suisse, ou du pied des Alpes et des Pyrénées. Donc là, ils ont tout juste en quelque sorte, et quand on pense aux difficultés qu'il y a eu à définir le centre géographique de la France, qui a posé beaucoup de problèmes et qui a suscité beaucoup de calculs, on se dit qu'ils étaient quand même assez forts et qu'ils n'étaient pas que des religieux, mais aussi de très grands savants. Cette unité, elle est aussi valable pour la langue, une langue unique ? Non, non, non. Disons qu'il y a, c'est un ensemble de langues, enfin de parler plus précisément, qui sont proches, pour notamment les deux grands ensembles que César cite, c'est-à-dire les Celtes et les Belges. Mais ce n'est pas vrai, dit-il, pour les Aquitains, qui eux ont un langage qui est mixte et notamment avec une barre ibère qui est très importante. Donc il faut imaginer que ce sont des sortes de patois, un peu comme il en existait avant la Révolution française. Donc des gens qui parlent des dialectes assez différents, mais qui sont capables de se comprendre. On a combien de peuples ? On parle de cités en général dans la Gaule. Alors, quand on lit César, César en mentionne une soixantaine, en sachant que certains ont disparu, certains sont réapparus, parce que ces peuples, enfin ces cités-peuples en quelque sorte, regroupent des ensembles plus petits qu'on appelle les pagus ou les pagis, qui sont en quelque sorte des gros cantons. Et ces gros cantons, en fait, ont plus de longévité et plus de résistance que la cité-État. Et certains pagus, l'un des plus célèbres notamment, c'est celui des Mandubiens, donc autour d'Alésia, ce n'était qu'un pagus qui a pris une certaine autonomie justement au moment de la guerre des Gaules. On en connaît d'autres, par exemple les Sylvanectes autour de Senlis faisaient partie de la cité-état des Suétions et à l'époque d'Auguste, ils ont acquis une autonomie. Donc ça, c'était quelque chose qui existait de façon régulière. Partons à la recherche d'une filiation. Nos ancêtres, les Gaulois, auraient été inventés dès la Renaissance ? Oui, oui, effectivement. C'est-à-dire que pendant tout le Moyen-Âge, le souvenir des Gaulois a totalement disparu. Donc, plus personne ne sait qui sont les Gaulois, parce qu'il n'y a pas de tradition orale, et parce qu'avant les humanistes, de toute façon, ni le peuple ni les clercs ne disposent de textes qui mentionnent les Gaulois. C'est-à-dire que les textes grecs et latins ne sont pas, pour la plupart, accessibles. Donc, les Gaulois ressurgissent avec les humanistes, et à un moment où justement ces savants commencent à se dire les recherches d'ancestralité qui finalement poursuivaient celles de l'époque romaine où on se disait descendants d'aînés, etc., n'étaient plus tenables. Ou effectivement pendant tout le Moyen-Âge aussi on s'est dit descendants des peuples hébraïques parce qu'on avait on considérait qu'on avait une filiation divine en quelque sorte. Donc tout ça est remis en cause par ces savants du XVIe siècle, et effectivement, la possibilité d'une ancestralité gauloise apparaît. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Durant cette Renaissance, n'est-ce pas parce que l'on est en compétition avec l'Italie, avec Rome ? Absolument, absolument. C'est-à-dire que depuis toujours, l'Italie a dominé l'Europe par sa culture et par sa revendication de la plus haute ancienneté. Donc les rois de France, tous les intellectuels vont faire tout ce qu'ils peuvent pour prouver qu'il y a une ancienneté de la France aussi importante que celle de l'Italie. Au XVIIIe siècle, le franc est l'apanage de l'aristocratie. Le gaulois est repris par la Révolution ? Absolument, c'est-à-dire que, expliquer un petit peu à l'auditeur de quoi il retourne, au XVIIIe siècle, déjà même sous Louis XIV, les historiens qui se posent quand même des questions et qui sont un petit peu mis en contradiction avec les faits historiques, prétendent que les privilèges des nobles qui posent déjà question, en fait, sont l'héritage des conquêtes des Francs sur les peuples indigènes. Donc les Gaulois et les Romains. Et à partir du 18e, effectivement, quelques historiens commencent à dire les Gaulois et les Romains étaient antérieurs aux Francs, donc les privilèges ne devraient pas tenir. Et effectivement, c'est la Révolution qui mettra tout ça vraiment un petit peu en ordre de bataille, et notamment le fameux ABCIS, dans un papier qui est très célèbre, qui est presque fondateur de la Révolution française, qui s'appelle « Qu'est-ce que le tiers-État ?», où il demande quasiment aux aristocrates, puisqu'ils se revendiquent descendants des Francs, de retourner en Franconie, c'est-à-dire dans la région d'Allemagne, d'où seraient originaires les Francs. Comme pour Fernand Braudel, on peut penser que la construction de notre identité nationale fut très lente. Bien sûr, puisque là on le voit, tout ça, même à la Révolution française, cette revendication de l'ancestralité du tiers-État, donc chez les Gaulois et chez les Romains, ne connaîtra pas un grand succès en réalité. Et il faudra attendre la Troisième République pour qu'à nouveau ça ressurgisse. Et encore une fois, les Gaulois servent surtout de faire valoir, mais ne sont pas vraiment exploités comme une civilisation. C'est Napoléon III qui invente Vercingétorix, mieux qui en fait un personnage historique. Oui et non, ça apparaît déjà à l'époque romantique avec le frère d'Augustin Thierry qui s'appelle Amédée Thierry qui écrit une histoire des Gaulois, qui est une histoire colossale des Gaulois, très intéressante d'ailleurs, qui le premier, me semble-t-il, parle de Vercingétorix comme effectivement d'un véritable personnage historique. Alors à la même époque, c'est ça qui est assez curieux, Michelet, lui ne considérait pas la chose de cette façon-là. Pour lui, Vercingétorix n'était qu'un titre, une fonction, puisqu'on sait que Vercingétorix veut dire le très grand guerrier, donc il ne pensait pas que c'était un personnage historique. Donc c'est vraiment Amédée Thierry qui développe d'ailleurs une figure assez romantique de Vercingétorix, qui effectivement sera reprise, mais un peu à contrario par Napoléon III, puisque Napoléon III avait pour vision, quand il a fait faire des fouilles en France, qui d'ailleurs ont été très salutaires pour la connaissance de notre passé, ce qu'il voulait, c'était surtout apporter de l'eau au moulin de César et lui-même s'inscrire dans la lignée des Césars, non seulement de son oncle Napoléon Ier, mais aussi dans la lignée de César lui-même. Justement, oui, bien sûr, Jean-Louis Bruno, ce que découvre Napoléon III, ce n'est curieusement pas Vercingétorix, mais c'est César. Et il découvre et il développe même ce que l'on appellera le césarisme. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi ce césarisme pour Napoléon III ? C'est la preuve, en quelque sorte, que la conquête romaine a été un bienfait, que finalement, un certain gouvernement autoritaire, comme on le voit bien chez César, est favorable pour le pays, et c'est ce qu'il essaie de développer en France, mais avec le même côté intellectuel et le même côté, novateur de César, qui a apporté beaucoup de choses dans l'administration de la Gaule, ou même dans le développement de l'Empire romain. Donc le Gaulois a longtemps été une sorte de faire-valoir. Absolument. Jusqu'à ces dernières décennies, on n'a pas du tout considéré le Gaulois comme le produit d'une civilisation, comme un état de la civilisation, mais uniquement comme un faire-valoir de nos préoccupations actuelles, utilisées par les hommes politiques essentiellement. Nous avons donc forgé, je dirais, notre identité nationale dans une sorte de défaite. celle d'Alésia et puis celle de Napoléon III à Sedan ? Ah oui, ça a toujours été, je crois, le grand problème des historiens qui ont voulu se pencher sur la Gaule et essayer de développer un petit peu un intérêt chez leurs lecteurs pour les Gaulois. C'est cette défaite pesante, inexplicable, aussi inexplicable d'ailleurs pour Alésia que pour Sedan. C'est la même chose. Dominant Alésia, la sculpture de Vercingétorix réalisée par Millet en 1865 résume tout. Oui, effectivement, c'est le Gaulois cette fois-ci dans toute sa splendeur, mais c'est aussi dans toutes ses erreurs archéologiques, puisqu'il est vêtu d'armes de l'âge du bronze, qui montrent qu'à cette époque, qui est quand même une époque tardive, c'est l'époque où Mérimée apporte en France ce qu'il découvre, notamment dans les pays nordiques, la chronologie. Les premières bases de la chronologie passent par Mérimée. Et au même moment, on nous présente ce Vercingétorix qui est habillé avec des vêtements qui ont entre 500 et 800 ans par rapport à ce qu'il pouvait porter à cette époque-là. Et puis votre Vercingétorix, il a quand même les traits de Napoléon III, disons-le au passage. Et puis cette très belle phrase, la Gaule unie formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers. Vercingétorix devant ses troupes à Avaricum, du moins d'après César et le Debello Gallico, c'est bien ça ? Absolument, absolument. Donc, c'est encore une fois une anecdote historique, un moment d'histoire qui doit servir de leçon pour le présent. Et justement, ça, on est vraiment dans le contraire de l'histoire. En dessous de cette épitaphe, un mot de Napoléon III. Napoléon III, empereur des Français, à la mémoire de Vercingétorix. Ce sont des amalgames extraordinaires. Ah oui, absolument, c'est un raccourci fascinant, oui. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, que nous tentons de savoir ce qu'est un Gaulois d'hier ou d'aujourd'hui avec Jean-Louis Bruneau, directeur de recherche au CNRS. Avec l'État français de Vichy, le Gaulois est bien sûr mis aussi devant la scène. Mais n'est-ce pas surtout l'univers de la paix gallo-romaine qui sera surtout valorisé ? Oui, par Pétain, parce que Pétain a été aussi finalement gêné par l'exemple de Vercingétorix. Vercingétorix est à la fois ce grand modèle historique, mais aussi c'est un modèle de résistance. Et donc on aurait pu croire qu'il aurait essayé effectivement de faire oublier Vercingétorix, puisque lui fait tout le contraire. Donc il propose la collaboration avec l'ennemi. Ce que n'a pas fait Vercingétorix, justement. Donc, effectivement, c'est ce qu'il développe, Pétain, c'est le modèle d'une collaboration, puisque les presque cinq siècles d'Empire romain sont l'exemple d'une collaboration, paraît-il, réussie de ce qu'on appelle la Pax Romana. Il y a la conquête romaine, il y a l'envahisseur germain. Camille Julien, du haut de sa chaire du Collège de France, a écrit des textes enflammés, lui aussi a réécrit l'histoire. Bien sûr, de toute façon, encore une fois, c'est toujours le passé qui s'oppose au présent. Et effectivement, dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, le rapport entre la situation qui se présentait et qui a abouti à cette Première Guerre mondiale évoquait, et lui l'a quand même assez bien compris, ce qui se passait dans les années 60 en Gaule. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir que cette conquête de la Gaule, et notamment l'intervention de César, a été provoquée par des intrusions de Germains qui étaient très importantes, hein, qui ont permis l'occupation de presque le quart de la Gaule, c'est-à-dire la Champagne, la Franche-Comté, peut-être une partie de la Lorraine, une partie du Morvan. Et donc on était dans une situation qui pouvait provoquer la comparaison. Ce que vous retrouvez sur le terrain est loin de notre roman national. Quelques trous de poteaux, parfois quelques nécropoles. Oui, ben ça c'est le... La dure réalité de l'archéologie. C'est le pain quotidien de l'archéologue, c'est-à-dire qu'effectivement, bien souvent, nous découvrons des vestiges qui ne sont pas fascinants comme ce qu'on pourrait rencontrer dans les civilisations classiques, en Grèce, à Rome. On a affaire plutôt à des choses qui sont un petit peu rude, hein, pour la compréhension et pour l'analyse. Toutefois, Jean-Luc Bruno, quelques sites peuvent raconter ou contribuer à ce roman national. Gergovie, Bibracte, peut-être Coran, sûrement Alésia. Toutes ces grandes villes celtiques sont actuellement fouillées par des archéologues ? à les villes que nous identifions effectivement, enfin les camps fortifiés comme celui d'Alice Sainte-Reine, enfin qui a fait l'objet de fouilles depuis Napoléon III, le Mont Beuvray pour Bibracte, Gergovie, oui, là ils sont effectivement fouillés par des archéologues, mais on ne peut pas étendre ça à des sites qui sont faussement attribués justement à ces villes antiques bien célèbres. Que reste-t-il du Gaulois ? Bien peu de choses. Oui, enfin, aujourd'hui, sous une forme matérielle, oui, c'est vrai. Donc, il reste des objets qui se trouvent notamment au Musée d'Antiquité Nationale, qui sont magnifiques. Mais l'héritage gaulois, il est ailleurs. Il est notamment dans notre environnement toponymique, puisqu'on se trouve ici à Paris. Donc, c'est l'héritage de ces parisis dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais énormément de villes de France ont gardé le nom des peuples qui les ont habités. Hein. C'est le cas de Reims, c'est le cas de Périgueux, c'est le cas de Beauvais, etc. Et puis aussi le paysage que l'on voit, ça on l'oublie un petit peu trop, surtout lorsqu'on est en ville, parce que là c'est un petit peu différent, mais tout le paysage rural de la France a déjà été en grande partie forgé à l'époque gauloise. Les Gaulois ont défriché ce paysage et surtout l'ont aménagé. Pour la culture, pour les chemins, puisque une grande partie des chemins gaulois, enfin des chemins qu'on a dit être des voies romaines, sont d'origine gauloise. Donc cette prise en compte, cette appropriation du territoire, c'est l'œuvre des Gaulois. Donc c'est un petit peu effectivement quelque chose que l'on oublie, mais dont il faut se souvenir quand même. C'est peut-être pour ça que César rentre si vite en Gaule durant la guerre, partir de 58. Bien sûr. C'est parce qu'il utilise ses voies gauloises. Ah bien sûr, et c'est pour ça qu'il peut se déplacer avec une rapidité tout à fait étonnante, parce que sinon c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre la guerre des Gaules si on s'imagine qu'il avait des difficultés, comme on en avait sous l'Ancien Régime quelquefois, pour se déplacer. Les voies gauloises permettaient des déplacements tout à fait rapides. Que reste-t-il d'autre ? Peut-être la langue ? Alors de la langue, il restait plus de vestiges de la langue dans les parlers de l'Ancien Régime, parce que beaucoup de mots qui se trouvent dans les patois, notamment, ou tous les mots du vocabulaire rural, très technique, ou de la description des végétaux, par exemple, sont d'origine gauloise, mais il en reste encore un petit peu dans notre parler actuel, et beaucoup de mots ont passé dans le latin. Donc ça, c'est ce que les gens ignorent. Il y a beaucoup de mots latins qui ont une origine gauloise. On aurait 300 mots, dont ambassadeur, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Ambassadeur qui, en plus, lui, est revenu par le biais de l'italien. Donc, 300 mots, c'est pas beaucoup ? Non, 300 mots dans notre langue actuelle, mais beaucoup plus dans les langues, dans les parlers qu'utilisent les Français actuellement. En tout cas, les moustaches, le fond des bois, les sangliers que l'on consomme, tout ça doit être balayé. Ah, tout ça doit être balayé, effectivement. Bon, c'est un petit peu l'image caricaturale, mais il faut effectivement essayer de rénover cette image. Un homme politique discourait récemment au sommet du Mont Beuvray, là même où François Mitterrand voulait se faire inhumer. À vos yeux, ces grands sites archéologiques, lieux de mémoire, ont un bel avenir dans notre roman national ? Oui, je crois, parce que de toute façon, on recherche des lieux de mémoire pour toutes les époques. Et les sites gaulois n'échapperont pas à cette demande des habitants. En conclusion, Jean-Louis Bruno, les Gaulois ne sont-ils pas tout simplement le miroir de nos propres fantasmes contemporains ? Assurément. Jean-Louis Bruno, merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de publier un ouvrage sur les Gaulois portant strictement sur la religion, les religions gauloises, publié chez Biblis. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bernard Laniel, avec la contribution de Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se consacrera au Moyen-Âge.